Salut, bonsoir, c'est Radiosine, il est 11h. On a un multi-jingle aujourd'hui, c'est parti. Marcher sous la pluie ce matin, le temps est à l'... Et voilà, vous avez cru que c'était Antoine, hein ? Eh bien non, on y va, papa. Mais le temps aujourd'hui est effectivement à l'eau. Oui, j'ai... Le temps a tourné. Oui, j'ai pas vu. J'ai un autre jingle, Antoine, je peux le mettre ? Oui, oui. Attention. Ouais, mange tes pâtes. mais c'est magnifique, c'est le dernier jour, c'est le dimanche matin, parce qu'il est, voilà, c'est encore le matin, et on est là, quoi. Et on y va, papa. Alors, attends, c'est pas du tout le programme, ça c'est le radiosine d'hier. C'est terrible, hein, je me suis trop opposée, quoi. Eh bien, c'est... Vas-y, tu veux, t'as un jingle, je sens qu'il t'arrive là, t'as... Vas-y, c'est parti. Ah, radiosine. Et c'est toujours. Ouais. Et c'est toujours très bruyant. J'ai envie de dire chut. Oui. Allez, on prend son doigt. C'est le dernier home contemporain, mais que vous pourrez reproduire chez vous à l'infini. Thank you.